Vronsky était si ému et si préoccupé qu'ayant regardé l'aiguille et le cadran, il n'avait pas vu l'heure. Tout pénétré de la pensée d'Anna, il regagna sa calèche sur la route, marchant avec précaution le long du chemin boueux. Sa mémoire n'était plus qu'instinctive et lui rappelait seulement ce qu'il avait résolu de faire sans que la réflexion intervînt. Il s'approcha de son cocher endormi sur son siège, le réveilla machinalement, observa les nuées de moucherons qui s'élevaient au-dessus de ses chevaux en sueur, sauta dans sa calèche et se fit conduire chez Balansky. Il avait déjà fait 6 à 7 verstes lorsque la présence d'esprit lui revint. Il comprit alors qu'il était en retard et regarda de nouveau sa montre. Elle marquait 5h30. Il devait y avoir plusieurs courses ce jour-là. D'abord les chevaux de trait, puis une course d'officier de 2 verstes, une seconde de 4. Celle où il devait courir était la dernière. À la rigueur, il pouvait arriver à temps en sacrifiant Blansky, sinon il risquait de ne se trouver sur le terrain que lorsque la course serait arrivée et ce n'était pas convenable. Malheureusement, Blansky avait sa parole. Il continua donc la route en recommandant au cocher de ne pas aménager ses chevaux. 5 minutes chez Blansky et il repartit au galop. Ce mouvement rapide lui fit du bien. Peu à peu, il oubliait ses soucis pour ne sentir que l'émotion de la course et le plaisir de ne pas la manquer. Il dépassait toutes les voitures venant de Pétersbourg et des environs. Personne chez lui que son domestique le guettant sur le seuil de la porte. Tout le monde était déjà parti. Pendant qu'il changeait de vêtements, son domestique eut le temps de lui raconter que la seconde course était commencée et que plusieurs personnes s'étaient informées de lui. Vronsky s'habilla sans se presser, car il savait garder son calme, et se fit conduire en voiture aux écuries. On voyait de là un océan d'équipages de toutes sortes, des piétons, des soldats, et toutes les tribunes chargées de spectateurs. La seconde course devait en effet avoir lieu, car il entendit un coup de cloche. Il avait rencontré près de l'écurie l'alezan de Mautin, Gladiator, qu'on venait couvert d'une housse orange et bleue avec d'énormes oreillères. « Où est Corne ? » demanda-t-il au palefrenier. « À l'écurie, on selle !» Froufrou était toute scellée dans la stalle ouverte et on allait la faire sortir. « Je ne suis pas en retard. »« all right, » dit l'anglais. « Ne vous inquiétez de rien. » Vronsky jeta un dernier regard sur les belles formes de sa jument et la quitta à regret. Elle tremblait de tous ses membres. Le moment était propice pour s'approcher des tribunes sans être remarqué. La course de 2 verstes s'achevait et tous les yeux étaient fixés sur un chevalier garde et un hussard derrière lui, fouettant désespérément leurs chevaux en approchant du but. On affluait vers ce point de tous côtés, et un groupe de soldats et d'officiers de la garde saluaient avec des cris de joie le triomphe de leurs officiers et de leurs camarades. Vronsky se mêla à la foule au moment où la cloche annonçait la fin de la course, tandis que le vainqueur, couvert de boue, s'affaissait sur sa selle et laissait tomber la bride de son étalon gris pommelé, essoufflé et trempé de sueur. L'étalon, raidissant péniblement les jarrets, arrêta avec difficulté sa course rapide. L'officier, comme au sortir d'un rêve, regardait autour de lui et souriait avec effort. Une foule d'amis et de curieux l'entoura. C'était à dessein que Vronsky évitait le monde élégant qui circulait tranquillement en causant autour de la galerie. Il avait déjà aperçu Anna, Betsy et la femme de son frère et ne voulait pas s'approcher d'elle pour éviter toute distraction. Mais à chaque pas, il rencontrait des connaissances qui l'arrêtaient au passage et lui racontaient quelques détails de la dernière course ou lui demandaient la cause de son retard. Pendant qu'on distribuait les prix dans le pavillon et que chacun se dirigeait de ce côté, Vronsky vit approcher son frère Alexandre. Comme Alexis, c'était un homme de taille moyenne et un peu trapu. Mais il était plus beau, quoiqu'il eût le visage tricoloré et un nez de buveur. Il portait l'uniforme de colonel avec des aiguillettes. « As-tu reçu ma lettre ?» dit-il à son frère. « On ne te trouve jamais. » Alexandre Vronsky, malgré sa vie débauchée et son penchant à l'ivrognerie, fréquentait exclusivement le monde de la cour. Tandis qu'il causait avec son frère d'un sujet pénible, il savait garder la physionomie souriante d'un homme qui plaisanterait d'une façon inoffensive, et cela à cause des yeux qu'il sentait braquer sur eux. « Oui, je l'ai reçu, je ne comprends pas de quoi tu t'inquiètes. Je m'inquiète de ce qu'on m'a fait remarquer tout à l'heure, ton absence et ta présence à Peterhof lundi. Il y a des choses qui ne peuvent être jugées que par ce qu'elles intéressent directement, et l'affaire dont tu te préoccupes est-elle ?»« Oui, mais alors on ne reste pas au service, on ne t'en mêle pas. C'est tout ce que je te demande. » Alexis Vronsky pâlit, et son visage mécontent eut un tressaillement. Il se mettait rarement en colère, mais quand cela arrivait, son manteau se prenait à trembler et il devenait dangereux. Alexandre le savait et sourit gaiement. « Oh, je l'ai voulu que te remette la lettre de notre mère, réponds-lui, et fais pas de mauvais sang avant la course. Bonne chance !» ajouta-t-il en français en s'éloignant. Dès qu'il l'eut quitté, Vronsky fut accosté par un autre. « Alors tu ne reconnais donc plus tes amis. Bonjour, mon cher !» C'était Stepan Arkadievitch, le visage animé, les favoris bien peignés et pommadés, aussi brillant dans le monde élégant de Pétersbourg qu'à Moscou. « Ben, je suis arrivé d'hier et me voilà ravi d'assister à ton triomphe. Quand nous reverrons-nous »« Entre demain aux messes, » dit Vronsky, et s'excusant de le quitter, il lui serra la main et se dirigea vers l'endroit où les chevaux avaient été amenés pour la course d'obstacles. Les palefreniers emmenaient les chevaux épuisés par la dernière course, et ceux de la course suivante apparaissaient les uns après les autres. C'était pour la plupart des chevaux anglais, bien sanglés et encapuchonnés, on aurait dit d'énormes oiseaux. Foufrou, belle dans sa maigreur, approchait, posant un pied après l'autre d'un pas élastique et rebondissant. Non loin de là, on ôtait à Gladiator sa couverture. Les formes superbes, régulières et robustes de l'étalon, avec sa croupe splendide et ses pieds admirablement taillés, attirèrent l'attention de Vronsky. Il voulut se rapprocher de Froufrou, mais quelqu'un l'arrêta encore au passage. « Ah, voilà Karénine, il cherche sa femme qui est dans le pavillon, l'avez-vous vue ?»« Non, » répondit Vronsky, sans tourner la tête du côté où on lui indiquait Madame Karénine, et il rejoignit son cheval. À peine eut-il le temps d'examiner quelque chose qu'il fallait rectifier à la selle, qu'on appela ceux qui devaient courir pour leur distribuer leur numéro d'ordre. Ils approchèrent tous, sérieux, presque solennels, et plusieurs d'entre eux fort pâles. Ils étaient 17. Vronsky eut le numéro 7. « En selle » cria-t-on. Vronsky s'approcha de son cheval. Il se sentait, comme ses camarades, le point de mire de tous les regards, et comme toujours, le malaise qu'il en éprouvait rendait ses mouvements plus lents. Cord avait mis son costume de parade en l'honneur des courses. Il portait une redingote noire boutonnée jusqu'au cou. Un col de chemise fortement empesé faisait ressortir ses joues. Il avait des bottes à l'écuyère et un chapeau rond. Calme et important, selon son habitude, il était debout à la tête du cheval et tenait lui-même la bride. Foufrou tremblait et semblait prise d'un accès de fièvre. Ses yeux pleins de feu regardaient Vronsky de côté. Celui-ci passa le doigt sous la sangle de la selle. La jument recula et dressa les oreilles, et l'anglais grimaça un sourire à l'idée qu'on pût douter de la façon dont il sellait un cheval. « Montez, vous serez moins agité, » dit-il. Vronski jeta un dernier coup d'œil sur ses concurrents. Il savait qu'il ne les verrait plus pendant la course. Deux d'entre eux se dirigeaient déjà vers le point de départ. Golson, un ami, un des plus forts coureurs, tournait autour de son étalon, bais sans pouvoir le monter. Un petit hussard de la garde, en pantalon de cavalerie, courbé en deux sur son cheval pour imiter les Anglais, faisait un temps de galop. Le prince Kouzlov, blanc comme un linge, montait une jument pur sang qu'un Anglais menait par la bride. Vronski connaissait, comme tous ses camarades, l'amour-propre féroce de Kouzlov, joint à la faiblesse de ses nerfs. Chacun savait qu'il avait peur de tout, mais à cause de cette peur et parce qu'il savait qu'il risquait de se rompre le cou et qu'il y avait près de chaque obstacle un chirurgien avec des infirmiers et des brancards, il avait résolu de courir. Vronski lui sourit d'un air approbateur, mais le rival redoutable entre tous, Mahotin sur Gladiator, n'était pas là. « Ne vous pressez pas, » disait Korda Vronski, « et n'oubliez pas une chose importante. Devant un obstacle, il ne faut ni retenir ni lancer son cheval. Il faut le laisser faire. »« Bien, bien, » répondit Vronski en prenant les brides. « Menez la course, si cela se peut, sinon ne perdez pas courage, quand bien même vous seriez le dernier. » Sans laisser à sa monture le temps de faire le moindre mouvement, Vronski s'élança vivement sur l'étrier, se mit légèrement en selle, examina les doubles rênes entre ses doigts et Korda lâcha le cheval. Foufrou allongea le cou en tirant sur la bride. Elle semblait se demander de quel pied il fallait partir et balançait son cavalier sur son dos flexible en avançant d'un pas élastique. Korda suait à grandes enjambées. La jument, agitée, cherchait à tromper son cavalier et tirait tantôt à droite, tantôt à gauche. Vronski la rassurait inutilement de la voix et du geste. On approchait de la rivière du côté où se trouvait le point de départ. Vronski, précédé des uns, suivi des autres, entendit derrière lui, sur la boue du chemin, le galop d'un cheval. C'était Gladiator, monté par Mahotin. Celui-ci sourit en passant, montrant ses longues dents. Vronski ne répondit que par un regard irrité. Il n'aimait pas Mahotin, et cette façon de galoper près de lui et d'échauffer son cheval lui déplut. Il sentait d'ailleurs en lui son plus rude adversaire. Foufou partit au galop du pied gauche, fit deux bonds, et, fâché de se sentir retenu par le bridon, changea d'allure et prit un trot qui secoua fortement son cavalier. Korda, mécontent, courait presque aussi vite qu'elle à côté de Vronski. Le champ de course, une ellipse de quatre verstes, s'étendait devant le pavillon principal et offrait neuf obstacles. La rivière, une grande barrière haute de deux archines en face du pavillon, un fossé à sec, un autre rempli d'eau, une côte rapide, une banquette irlandaise, l'obstacle le plus difficile, c'est-à-dire un remblai couvert de fascines, derrière lequel un second fossé invisible obligeait le cavalier à sauter deux obstacles à la fois au risque de se tuer. Après la banquette, encore trois fossés, dont deux pleins d'eau, et enfin le but devant le pavillon. Ce n'était pas dans l'enceinte même du cercle que commençait la course, mais à une centaine de sa gêne en dehors, et sur cet espace se trouvait le premier obstacle, la rivière, qu'on pouvait à volonté sauter ou passer à gué. Les cavaliers se rangèrent pour le signal, mais trois fois de suite il y eut faux départ. Il fallut recommencer. Le colonel qui dirigeait la course commençait à s'impatienter lorsqu'enfin, au quatrième commandement, les cavaliers partirent. Tous les yeux, toutes les lorgnettes étaient dirigées vers les coureurs. « Ils sont partis, les voilà » cria-t-on de tous côtés. Et pour mieux les voir, les spectateurs se précipitèrent, isolément ou par groupe, vers l'endroit d'où on pouvait les apercevoir. Les cavaliers se dispersèrent d'abord un peu, de loin ils semblaient courir ensemble, mais les fractions de distance qui les séparaient avaient leur importance. Foufou, agitée, trop nerveuse, perdit du terrain au début. Mais Vronsky, tout en la retenant, prit facilement le devant sur deux ou trois chevaux et ne fut bientôt plus précédé que par Gladiator, qui la dépassait de toute sa longueur, et par la jolie Diane, en tête de tous, portant le malheureux Kouzlov à moitié mort d'émotion. Pendant ces premières minutes, Vronsky ne fut pas plus maître de lui-même que de sa monture. Gladiateur et Diane se rapprochèrent et franchirent la rivière presque d'un même bond. Foufou se lança légèrement derrière eux comme porté par des ailes. Au moment où Vronsky se sentait dans les airs, il aperçut sous les pieds de son cheval Kouzlov se débattant avec Diane de l'autre côté de la rivière. Il avait lâché les rênes après avoir sauté et son cheval s'était abattu sous lui. Vronsky n'apprit ces détails que plus tard. Il ne vit qu'une chose alors, c'est que Froufrou reprendrait pied sur le corps de Diane. Mais Froufrou, semblable à un chat qui tombe, fit un effort du dos et des jambes tout en sautant et retomba à terre par-dessus le cheval abattu. « Oh, ma belle !» pensa Vronsky. Après la rivière, il reprit pleine possession de son cheval et le retint même un peu, avec l'intention de sauter la grande barrière derrière Mahotine, qu'il ne comptait distancer que sur l'espace d'environ 200 sagènes libres d'obstacles. Cette grande barrière s'élevait juste en face du pavillon impérial. L'empereur lui-même, la cour, une foule immense, les regardait approcher. Vronsky sentait tous ses yeux braqués sur lui, mais il ne voyait que les oreilles de son cheval, la terre disparaissant devant lui, la croupe de gladiateurs et ses pieds blancs battant le sol en cadence et conservant toujours la même distance en avant de Froufrou. Gladiator s'élança à la barrière, agita sa queue écourtée et disparut aux yeux de Vronsky sans avoir heurté l'obstacle. « Bravo !» cria une voix. Au même moment, les planches de la barrière passèrent comme un éclair devant Vronsky. Son cheval sauta sans changer d'allure, mais il entendit derrière lui un craquement. Froufrou, animé par la vie de Gladiator, avait sauté trop tôt et frappé la barrière de ses fers de derrière. Son allure ne varia cependant pas, et Vronsky, la figure éclaboussée debout, comprit que la distance n'avait pas diminué, en apercevant devant lui la croupe de Gladiator, sa queue coupée et ses rapides pieds blancs. Foufou sembla faire la même réflexion que son maître, car, sans y être excité, elle augmenta sensiblement de vitesse et se rapprocha de Mahotine en obliquant vers la corde que Mahotine conservait cependant. Vronsky se demandait si l'on ne pourrait pas le dépasser de l'autre côté de la piste, lorsque Froufrou, changeant de pied, prit elle-même cette direction. Son épaule brunie par la sueur se rapprocha de la croupe de Gladiator. Pendant quelques secondes, ils coururent tout près l'un de l'autre. Mais pour se rapprocher de la corde, Vronsky excita son cheval et vivement, sur la descente, dépassa Mahotine, dont il entrevit le visage couvert de boue. Il lui sembla que celui-ci lui souriait. Quoique dépassé, il était là, tout près, et Vronsky entendait toujours le même galop régulier et la respiration précipitée, mais nullement fatiguée de l'étalon. Les deux obstacles suivants, le fossé et la barrière, furent aisément franchis, mais le galop et le souffle de Gladiator se rapprochaient. Vronsky força le train de Foufou et sentit avec joie qu'elle augmentait facilement sa vitesse. Le son des sabots de gladiator s'éloignait. C'était lui maintenant qui menait la course, comme il l'avait souhaité, comme le lui avait recommandé Cord. Il était sûr du succès. Son émotion, sa joie et sa tendresse pour Foufou allaient toujours croissant. Il aurait voulu se retourner, mais n'osait regarder derrière lui et cherchait à se calmer et à ne pas surmener sa monture. Un seul obstacle sérieux, la banquette irlandaise, lui restait à franchir. Si, l'ayant dépassé, il était toujours en tête, son triomphe devenait infaillible. Lui et Froufrou aperçurent la banquette de loin, et tous deux, le cheval et le cavalier, éprouvèrent un moment d'hésitation. Vronsky remarqua cette hésitation aux oreilles de la jument et levait déjà la cravache lorsqu'il comprit à temps qu'elle savait ce qu'elle devait faire. La jolie bête prit son élan et, comme il le prévoyait, s'abandonna à la vitesse acquise qui la transporta bien au-delà du fossé. Puis elle reprit sa course en mesure et sans effort, sans avoir changé de pied. « Bravo, Vronsky !» crièrent les voix. Il savait que ses camarades et ses amis se tenaient près de l'obstacle et distingua la voix de Yashvin, mais sans le voir. « Oh, ma charmante !» pensait-il le Froufrou, tout en écoutant ce qui se passait derrière lui. « Il a sauté !» se dit-il en entendant approcher le galop de Gladiator. Un dernier fossé, large de deux archines, restait encore. C'est à peine si Vronsky faisait attention, mais voulant arriver premier bien avant les autres, il se mit à rouler son cheval. La jument s'épuisait. Son cou et ses épaules étaient mouillés, la sueur perlait sur son garrot, sa tête et ses oreilles. Sa respiration devenait courte et haletante. Il savait cependant qu'elle serait de force à fournir les 200 sagènes qui le séparaient du but, et ne remarquait l'accélération de la vitesse que parce qu'il touchait presque terre. Le fossé fut franchi sans qu'il s'en aperçût. Froufrou s'envola comme un oiseau plutôt qu'elle ne sauta. Mais en ce moment, Vronsky sentit avec horreur qu'au lieu de suivre l'allure du cheval, le poids de son corps avait porté à faux en retombant en selle par un mouvement aussi inexplicable qu'impardonnable. Mais comment cela s'était-il fait? Il ne pouvait s'en rendre compte, mais il comprit qu'une chose terrible lui arrivait. L'alezan de Mahotine passa devant lui comme un éclair. Vronsky touchait la terre d'un pied, la jument s'affaissa sur ce pied, et il eut à peine le temps de se dégager qu'elle tomba complètement, soufflant péniblement et faisant de son cou délicat et couvert de sueur d'inutiles efforts pour se relever. Elle gisait à terre et se débattait comme un oiseau blessé. Par le mouvement qu'il avait fait en selle, Vronsky lui avait brisé les reins. Mais il ne comprit sa faute que plus tard. Il ne voyait qu'une chose en ce moment, c'est que Gladiator s'éloignait rapidement et que lui, il était là, seul, sur la terre détrempée, devant Froufrou abattu, qui tendait vers lui sa tête et le regardait de ses beaux yeux. Toujours sans comprendre, il tira sur la bride. La pauvre bête s'agita comme un poisson pris au filet et chercha à se redresser sur ses jambes de devant, mais, impuissante à relever celle de derrière, elle retomba tremblante sur le côté. Vronsky, pâle et défiguré par la colère, lui donna un coup de talon dans le ventre pour la forcer à se relever. Elle ne bougea pas et jeta à son maître un de ses regards parlants en enfonçant son museau dans le sol. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» hurla presque Vronsky en se prenant la tête à deux mains. « Mais qu'ai-je fait ?» Et la pensée de la course perdue, de sa faute humiliante et impardonnable, de la malheureuse bête brisée, tout l'accabla à la fois. « Mais qu'ai-je fait ?» On accourait vers lui, le chirurgien et son aide, ses camarades, tout le monde. À son grand chagrin, il se sentait sain et sauf. Le cheval avait l'épine dorsale rompue. Il fallut l'abattre. Incapable de proférer une seule parole, Vronski ne put répondre à aucune des questions qu'on lui adressa. Il quitta le champ de course sans relever sa casquette tombée, marchant au hasard sans savoir où il allait. Il était désespéré. Pour la première fois de sa vie, il était victime d'un malheur auquel il ne pouvait porter remède et dont il se reconnaissait seul coupable. Yajvin courut après lui avec sa casquette et le ramena à son logis. Au bout d'une demi-heure, il se calma et reprit possession de lui-même. Mais cette course fut pendant longtemps un des souvenirs les plus pénibles, les plus cruels de son existence. Les relations d'Alexis Alexandrovitch et de sa femme ne semblaient pas changer extérieurement. Tout au plus pouvait-on remarquer que Karénine était plus surchargé de besogne que jamais. Dès le printemps, il partit selon son habitude pour l'étranger, afin de se remettre des fatigues de l'hiver en faisant une cure d'eau. Il revint en juillet et reprit ses fonctions avec une nouvelle énergie. Sa femme s'était installée à la campagne aux environs de Pétersbourg, comme d'ordinaire, et lui restait en ville. Depuis leur conversation après la soirée de la princesse Treskoy, il n'avait plus été question entre eux de soupçons ni de jalousie. Mais le ton de persiflage habituel à Alexis Alexandrovitch lui fut très commode dans ses rapports actuels avec sa femme. Sa froideur avait augmenté, quoiqu'il ne semblât conserver de cette conversation qu'une certaine contrariété. Encore n'était-ce guère qu'une nuance, rien de plus. Tu n'as pas voulu t'expliquer avec moi, semblait-il dire. Tant pis pour toi. C'est à toi maintenant de venir à moi et à mon tour de ne pas vouloir m'expliquer. Et il s'adressait à sa femme par la pensée, comme un homme furieux de n'avoir pu éteindre un incendie qui dirait au feu ben brûle, va, tant pis pour toi. Lui, cet homme, si fin et si sensé quand il s'agissait de son service, ne comprenait pas ce que cette conduite avait d'absurde. Et s'il ne comprenait pas, c'est que la situation lui semblait trop terrible pour oser la mesurer. Il préféra enfouir son affection pour sa femme et son fils dans son âme, comme en un coffre scellé et verrouillé, et prit même envers l'enfant une attitude singulièrement froide, ne l'interpellant que du nom de « jeune homme », de ce ton ironique qu'il prenait avec Anna. Alexis Alexandrovitch prétendait n'avoir jamais eu d'affaires aussi importantes que cette année-là, mais il n'avouait pas qu'il les créait à plaisir, afin de n'avoir pas à ouvrir ce coffre secret qui contenait des sentiments d'autant plus troublants qu'il les gardait plus longtemps enfermés. Si quelqu'un s'était arrogé le droit de lui demander ce qu'il pensait de la conduite de sa femme, cet homme calme et pacifique se serait mis en colère au lieu de répondre. Aussi sa physionomie prenait-elle un air digne et sévère toutes les fois qu'on lui demandait des nouvelles d'Anna. Et à force de vouloir ne rien penser de la conduite de sa femme, Alexis Alexandrovitch n'y pensait pas. L'habitation d'été des Karénines était à Peterhof, et la comtesse Lydie Ivanovna, qui y demeurait habituellement, y entretenait de fréquentes relations de bon voisinage avec Anna. Cette année, la comtesse n'avait pas voulu habiter Peterhof, et en causant un jour avec Karénine, fit quelques allusions aux inconvénients de l'intimité d'Anna avec Betsy et Vronsky. Alexis Alexandrovitch l'arrêta sévèrement, en déclarant que pour lui, sa femme était au-dessus de tout soupçon, et alors depuis il avait évité la comtesse. Décidé à ne rien remarquer, il ne s'apercevait pas que bien des personnes commençaient à battre froid à sa femme, et il n'avait pas cherché à comprendre pourquoi celle-ci avait insisté pour s'installer à Tsarskoïe, où demeurait Metsi, non loin du camp de Vronsky. Il ne se permettait pas de réfléchir et ne réfléchissait pas. Mais malgré tout, sans s'expliquer avec lui-même, sans avoir aucune preuve à l'appui, il se sentait trompé, n'en doutait pas, et en souffrait profondément. Combien de fois ne lui était-il pas arrivé, pendant ces 8 années de bonheur conjugal, de se demander, en voyant des ménages désunis, « Comment en arrive-t-on là? Comment ne sort-on pas à tout prix d'une situation aussi absurde ?» Et maintenant que le malheur était à sa propre porte, non seulement il ne songeait pas à se dégager de cette situation, mais il ne voulait pas l'admettre, et cela parce qu'il s'épouvantait de ce qu'elle lui offrait de terrible, de contre-nature. Depuis son retour de l'étranger, Alexis Alexandrovitch était allé 2 fois retrouver sa femme à la campagne, une fois pour dîner, l'autre pour y passer la soirée avec du monde, sans coucher comme il le faisait les années précédentes. Le jour des courses avait été pour lui un jour très rempli. Cependant, en faisant le programme de sa journée le matin, il s'était décidé à aller à Petrov, après avoir dîné de bonne heure et de là aux courses, où devait se trouver la cour et où il était convenable de se montrer. Par convenance aussi, il avait résolu d'aller chaque semaine chez sa femme. C'était d'ailleurs le 15 du mois, et il était de règle de lui remettre à cette date l'argent nécessaire à la dépense de la maison. Tout cela avait été décidé avec la force de volonté qu'il possédait et sans qu'il permît à sa pensée d'aller au-delà. Sa matinée s'était trouvée très affairée. La veille, il avait reçu une brochure d'un voyageur célèbre par ses voyages en Chine, accompagné d'un mot de la comtesse Lydie, le priant de recevoir ce voyageur qui lui semblait pour plusieurs raisons être un homme utile et intéressant. Alexis Alexandrovitch, n'ayant pu terminer la lecture de cette brochure le soir, l'acheva le matin. Puis vinrent les sollicitations, les rapports, les réceptions, les nominations, les révocations, les distributions de récompenses, les pensions, les appointements, les correspondances, tout ce travail des jours ouvrables, comme disait Alexis Alexandrovitch, qui prenait tant de temps. Venait ensuite son travail personnel, la visite du médecin et celle de son régisseur. Ce dernier ne le retint pas longtemps, il ne fit que lui remettre de l'argent et un rapport très concis sur l'état de ses affaires, qui, cette année, n'était pas très brillant. Les dépenses avaient été trop fortes et amenaient un déficit. Le docteur, un médecin célèbre et en rapport d'amitié avec Karénine, lui prit en revanche un temps considérable. Il était venu sans être appelé, et Alexis Alexandrovitch fut étonné de sa visite et de l'attention scrupuleuse avec laquelle il l'ausculta et l'interrogea. Il ignorait que, frappé de son état peu normal, son amie, la comtesse Lydie, avait prié le docteur de le voir et de le bien examiner. « Faites-le pour moi, » avait dit la comtesse. « Je le ferai pour la Russie, comtesse, » répondit le docteur. « Excellent homme !» s'écria la comtesse. Le docteur fut très mécontent de son examen. Le foie était congestionné, l'alimentation mauvaise, le résultat des os nul. Il ordonna plus d'exercice physique, moins de tension d'esprit, et surtout aucune préoccupation morale. C'était aussi facile que de ne pas respirer. Le médecin partit en laissant Alexis Alexandrovitch sous l'impression désagréable qu'il avait un principe de maladie auquel on ne pouvait porter remède. En quittant son malade, le docteur rencontra sur le perron le chef de cabinet d'Alexis Alexandrovitch, nommé Studine, un camarade d'université. Ces messieurs se rencontraient rarement, mais ne restaient pas moins bons amis. Aussi le docteur n'aurait-il pas parlé à d'autres avec la même franchise qu'Astudine. « Je suis bien aise que vous l'ayez vu, » dit celui-ci. « Cela ne va pas, il me semble. Qu'en dites-vous ? » Ce que j'en dis, répondit le docteur en faisant par-dessus la tête de Studine signe à son cocher l'avancée. Voici ce que j'en dis. Et il retira de ses mains blanches un doigt de son gant glacé. Si vous essayez de rompre une corde qui ne soit pas trop tendue, vous réussirez difficilement. Mais si vous la tendez à l'extrême, vous la romprez en la touchant du doigt. C'est ce qui lui arrive avec sa vie trop sédentaire et son travail trop consciencieux. Il y a une pression violente du dehors, conclut le docteur en levant les sourcils d'un air significatif. Serez-vous aux courses ? Ajouta-t-il en entendant la calèche. Oui, certainement, cela prend trop de temps, répondit-il à quelques mots de Studine qui n'arrivèrent pas jusqu'à lui. Aussitôt après le docteur, le célèbre voyageur arriva, et Alexis Alexandrovitch, aidé de la brochure qu'il avait eue la veille et de quelques notions antérieures sur la question, étonna son visiteur par l'étendue de ses connaissances et la largeur de ses vues. On annonça en même temps le maréchal du gouvernement arrivé à Pétersbourg, avec lequel il dut causer. Après le départ du maréchal, il fallut terminer la besogne quotidienne avec le chef de cabinet, puis faire une visite importante et sérieuse à un personnage officiel. Alexis Alexandrovitch n'eut que le temps de rentrer pour dîner à 5 heures avec son chef de cabinet, qui l'invita à l'accompagner à la campagne et aux courses. Sans qu'il s'en rendît compte, il cherchait toujours maintenant à ce qu'un tiers assistât à ses entrevues avec sa femme. Anna était dans sa chambre, debout devant son miroir, et attachait un dernier nœud à sa robe avec l'aide d'Anouchka, lorsqu'un bruit de roue sur le gravier devant le perron se fit entendre. Oh, « c'est un peu tout pour Betsy, » pensa-t-elle. Et regardant par la fenêtre, elle aperçut une voiture, et dans la voiture, le chapeau noir, et les oreilles bien connues d'Alexis Alexandrovitch. « Ah, voilà qui est fâcheux. Se pourrait-il qu'il vînt pour la nuit ?» pensa-t-elle. Et les résultats que pouvait avoir cette visite l'épouvantèrent. Sans se donner une minute de réflexion et sous l'empire de cet esprit de mensonge qui lui devenait familier et qui la dominait, elle descendit, rayonnante de gaieté, pour recevoir son mari, et se mit à parler sans savoir ce qu'elle disait. Que c'est aimable à vous, dit-elle en tendant la main à Karénine, tandis qu'elle souriait à Studine comme un familier de la maison. J'espère que tu restes ici cette nuit. Oh, le démon du mensonge lui soufflait ces mots. Nous irons ensemble aux courses, n'est-ce pas? Quel dommage que je me sois engagé avec Betsy, qui doit venir me chercher. Alexis Alexandrovitch fit une légère grimace à ce nom. « Oh, je ne séparerai pas les inséparables, » dit-il d'un ton railleur. « Nous irons un ou deux, Michel Vassilievitch. Le docteur m'a recommandé l'exercice. Je ferai une partie de la route à pied et me croirai encore aux eaux. »« Mais rien ne presse, » dit Anna. « Voulez-vous du thé ?» Elle sonna. « Servez le thé et prévenez Serge qu'Alexis Alexandrovitch est arrivé. »« Et ta santé ?»« Michel Vassilievitch, vous n'êtes pas encore venu chez moi. »« Voyez donc comme j'ai bien arrangé mon balcon, » dit-elle, en s'adressant tantôt à son mari, tantôt à son visiteur. Elle parlait simplement et naturellement, mais trop et trop vite. Ce qu'elle sentit en surprenant le regard curieux de Michel Vassilievitch, qu'il observait à la dérobée. Celui-ci s'éloigna du côté de la terrasse, et elle s'assit auprès de son mari. Oh, « Tu n'as pas très bonne mine, » dit-elle. « Oui, le docteur est venu ce matin, il m'a pris 1 heure de mon temps. Je suis persuadé qu'il était envoyé par un de mes amis. Ma santé est si précieuse. Mais que t'a-t-il dit? Et elle le questionna sur sa santé, ses travaux, lui conseillant le repos et l'engageant à venir s'installer à la campagne. Tout cela était dit gaiement, avec vivacité et animation. Mais Alexis Alexandrovitch n'attachait aucune importance spéciale à ce ton. Il n'entendait que les paroles et les prenait dans leur sens littéral, répondant simplement, quoique un peu ironiquement. Cette conversation n'avait rien de particulier. Cependant, Anna ne put se la rappeler plus tard, sans une véritable souffrance. Serge entra, accompagné de sa gouvernante. Si Alexis Alexandrovitch s'était permis d'observer, il aurait remarqué l'air craintif dont l'enfant regarda ses parents, son père d'abord, puis sa mère. Mais il ne voulait rien voir et ne vit rien. « Eh, bonjour, jeune homme, nous avons grandi. Nous devenons tout à fait grands garçons. » Et il tendit la main à l'enfant troublé. Serge avait toujours été timide avec son père, mais depuis que celui-ci l'appelait « jeune homme » et depuis qu'il se creusait la tête pour savoir si Vronsky était un ami ou un ennemi, il était devenu plus craintif encore. Il se tourna vers sa mère comme pour chercher protection. Il ne se sentait à l'aise qu'auprès d'elle. Pendant ce temps, Alexis Alexandrovitch prenait son fils par l'épaule et interrogeait la gouvernante sur son compte. Anna vit le moment où l'enfant, se sentant malheureux et gêné, allait fondre en larmes. Elle avait rougi en le voyant entrer, et remarquant son embarras, elle se leva vivement, souleva la main d'Alexis Alexandrovitch pour dégager l'épaule de l'enfant, l'embrassa et l'emmena sur la terrasse. Puis elle vint rejoindre son mari. « Il se fait tard, » dit-elle en consultant sa montre. « Pourquoi Betsy ne vient-elle pas ?»« Oui, » dit Alexis Alexandrovitch en faisant craquer les jointures de ses doigts et en se levant. « Je suis venu aussi t'apporter de l'argent. » Tu dois en avoir besoin, car on ne nourrit pas de chansons les rossignols. Oui, j'en ai besoin, dit Anna en rougissant jusqu'à la racine des cheveux sans le regarder, mais tu reviendras après les courses. Oh oui, répondit Alexis Alexandrovitch. Et voici la gloire de Petrov, la princesse Tverskoï. Ajouta-t-il en apercevant par la fenêtre une calèche à l'anglaise qui approchait du perron. « Quelle élégance et charmant ! Allons, partons aussi. » La princesse ne quitta pas sa calèche. Son valet de pied en guêtre, livré et chapeau à l'anglaise, sauta du siège devant la maison. « Je m'en vais, adieu !» dit Anna en embrassant son fils et en tendant la main à son mari. « Tu es très aimable d'être venu. » Alexis Alexandrovitch lui baisa la main. « Au revoir, tu reviendras prendre le thé, c'est parfait, » dit-elle en s'éloignant d'un air rayonnant et joyeux. Mais à peine fut-elle à l'abri des regards qu'elle tressaillit avec répugnance en sentant sur sa main la trace de ce baiser. Quand Alexis Alexandrovitch parut aux courses, Anna était déjà placée à côté de Betsy dans le pavillon principal où la haute société se trouvait réunie. Elle aperçut son mari de loin et le suivit involontairement des yeux dans la foule. Elle le vit s'avancer vers le pavillon, répondant avec une bienveillance un peu hautaine au salut qui cherchait à attirer son attention, échangeant des politesses distraites avec ses égaux et recherchant les regards des puissants de la terre auxquels il répondait en ôtant son grand chapeau rond qui serrait le bout de ses oreilles. Anna connaissait toutes ses façons de saluer et toutes lui étaient également antipathiques. Rien qu'ambition, que rage de succès, c'est tout ce que contient son âme, pensait-elle. Quant aux vues élevées à l'amour de la civilisation, À la religion, ce ne sont que des moyens pour atteindre son but, rien de plus. On voyait, d'après les regards que Karénine jetait sur le pavillon, qu'il ne découvrait pas sa femme dans ses flots de mousseline, de rubans, de plumes, de fleurs et d'ombrelles. Anna comprit qu'il la cherchait, mais eut l'air de ne pas s'en apercevoir. « Alexis Alexandrovitch !» cria la princesse Betsy. « Vous ne voyez donc pas votre femme, la voici !» Il sourit de son sourire glacial. « Oh, tout est ici si brillant que les yeux sont éblouis !» répondit-il en approchant du pavillon. Il sourit à Anna, comme doit le faire un mari qui vient à peine de quitter sa femme, salua Betsy et ses autres connaissances, galant avec les femmes, poli avec les hommes. Un général célèbre pour son esprit et son savoir était là, près du pavillon. Alexis Alexandrovitch, qu'il estimait beaucoup, l'aborda et ils se mirent à causer. C'était entre deux courses. Le général attaquait ce genre de divertissement et Alexis Alexandrovitch le défendait. Anna entendait cette voix grêle et mesurée et ne perdait pas une seule des paroles de son mari qui résonnaient toutes désagréablement à son oreille. Lorsque la course d'obstacles commença, elle se pencha en avant, ne quittant pas Vronsky des yeux. Elle le vit s'approcher de son cheval, puis le monter. La voix de son mari s'élevait toujours jusqu'à elle et lui semblait odieuse. Elle souffrait pour Vronsky, mais souffrait plus encore de cette voix dont elle connaissait toutes les intonations. « Je suis une mauvaise femme, une femme perdue, » pensait-elle. « Mais je hais le mensonge, je ne le supporte pas. Tandis que lui, son mari, en fait sa nourriture. Il sait tout, il voit tout. Que peut-il éprouver s'il est capable de parler avec cette tranquillité ?» J'aurais quelque respect pour lui s'il me tuait, s'il tuait Vronsky, mais non. Ce qu'il préfère à tout, c'est le mensonge, ce sont les convenances. Anna ne savait guère ce qu'elle aurait voulu trouver en son mari et ne comprenait pas que la volubilité d'Alexis Alexandrovitch, qui l'irritait si vivement, n'était que l'expression de son agitation intérieure. Il lui fallait un mouvement intellectuel quelconque, comme il faut à un enfant qui vient de se cogner, un mouvement physique pour étourdir son mal. Karénine, lui aussi, avait besoin de s'étourdir pour étouffer les idées qui l'oppressaient en présence de sa femme et de Vronsky, dont le nom revenait à chaque instant. « Le danger, disait-il, est une condition indispensable pour les courses d'officier. » Si l'Angleterre peut montrer dans son histoire des faits d'armes glorieux pour la cavalerie, elle le doit uniquement au développement historique de la force dans ses hommes et ses chevaux. Le sport a, selon moi, un sens profond, et comme toujours, nous n'en prenons que le côté superficiel. Oh, superficiel, pas tant que cela, dit la princesse Tverskoï. On dit qu'un des officiers s'est enfoncé deux côtes. Alexis Alexandrovitch sourit froidement d'un sourire sans expression qui découvrait seulement ses dents. « J'admets, princesse, que ce cas-là est interne et non superficiel, mais il ne s'agit pas de cela. » Et il se tourna vers le général, son interlocuteur sérieux. « N'oubliez pas que ceux qui courent sont des militaires, que cette carrière est de leur choix et que toute vocation a son revers de médaille. » Cela rentre dans les devoirs militaires. Si le sport, comme les luttes à coups de poing ou les combats de taureaux espagnols, sont des indices de barbarie, le sport spécialisé est au contraire un indice de développement. Oh, je n'y reviendrai plus, dit la princesse Betsy. Cela m'émeut trop, n'est-ce pas, Anna? Cela émeut, mais cela fascine, dit une autre dame. « Si j'avais été romaine, j'aurais assidûment fréquenté le cirque. » Anna ne parlait pas, mais tenait toujours sa lorgnette braquée du même côté. En ce moment, un général de haute taille vint à traverser le pavillon. Alexis Alexandrovitch, interrompant brusquement son discours, se leva avec dignité et fit un profond salut. « Vous ne courez pas, lui dit en plaisantant le général. Ma course est d'un genre plus difficile, répondit respectueusement Alexis Alexandrovitch. Et quoique cette réponse ne présentât aucun sens, le militaire eut l'air de recueillir le mot profond d'un homme d'esprit et de comprendre la pointe de la sauce. Il y a deux côtés à la question, reprit Alexis Alexandrovitch. Celui du spectateur aussi bien que celui de l'acteur, et je conviens que l'amour de ces spectacles est un signe certain d'intériorité dans un public, mais... Princesse, à Paris, cria une voix, celle de Stéphane Arkadievitch s'adressant à Betsy. Pour qui tenez-vous? Anna et moi parlions pour Kouznov, répondit Betsy. Moi, pour Vronsky, une paire de gants. C'est bon. Comme c'est joli, n'est-ce pas? Alexis Alexandrovitch s'était tu pendant qu'on parlait autour de lui, mais il reprit aussitôt. Oh, j'en conviens, les jeux virils. En ce moment, on entendit le signal du départ et toutes les conversations s'arrêtèrent. Alexis Alexandrovitch se tut aussi. Chacun se leva pour regarder du côté de la rivière, et comme les courses ne l'intéressaient pas, au lieu de suivre les cavaliers, il parcourut l'assemblée d'un œil distrait. Son regard s'arrêta sur sa femme. Pâle et grave, rien n'existait pour Anna en dehors de ce qu'elle avait des yeux. Sa main tenait convulsivement un éventail, et elle ne respirait pas. Karénine se détourna pour examiner d'autres visages de femmes. Voilà une autre dame très émue, et encore une autre qui l'est tout autant, c'est fort naturel, se dit Alexis Alexandrovitch. Malgré lui, son regard était attiré par ce visage où il lisait trop clairement et avec horreur tout ce qu'il voulait ignorer. À la première chute, celle de Kouzlov, l'émotion fut générale, mais à l'expression triomphante du visage d'Anna, il vit bien que celui qu'elle regardait n'était pas tombé. Lorsqu'un second officier tomba sur la tête, après que Mahotine et Vronsky eurent sauté la grande barrière et qu'on le crut tué, un murmure d'effroi passa dans l'assistance. Mais Alexis Alexandrovitch s'aperçut qu'Anna n'avait rien remarqué et qu'elle avait peine à comprendre l'émotion générale. Il la regardait avec une insistance croissante. Quelque absorbée qu'elle fût, Anna sentit le regard froid de son mari posé sur elle, et elle se retourna vers lui un moment d'un air interrogateur, avec un léger froncement de sourcils. Bof, tout m'est égal, semblait-elle dire, et elle ne quitta plus sa lorgnette. La course fut malheureuse. Sur 17 cavaliers, il en tomba plus de la moitié. Vers la fin, l'émotion devint d'autant plus vive que l'empereur témoigna son mécontentement. Au reste, l'impression était unanimement pénible et l'on se répétait la phrase de l'un des spectateurs. « Après cela, il ne reste plus que les arènes avec des lions !» La terreur causée par la chute de Vronsky fut générale. Et le cri d'horreur poussé par Anna n'étonna personne. Malheureusement, sa physionomie exprimait ensuite des sentiments plus vifs que ne le permettait le décorum. Éperdue, troublée comme un oiseau pris au piège, elle voulait se lever, se sauver, et se tourner vers Betsy en répétant « Partons, partons !» Mais Betsy n'écoutait pas. Penchée vers un militaire qui s'était approché du pavillon, elle lui parlait avec animation. Alexis Alexandrovitch vint vers sa femme et lui offrit poliment le bras. « Partons, si vous le désirez, » lui dit-il en français. Anna ne l'aperçut même pas, elle était toute à la conversation de Betsy et du général. « On prétend qu'il s'est aussi cassé la jambe, » disait-il, « cela n'a pas le sens commun. » Anna, sans répondre à son mari, regardait toujours de sa lorgnette l'endroit où Vronsky était tombé mais c'était si loin et la foule était si grande qu'on ne distinguait rien. Elle baissa sa lorgnette et allait partir lorsqu'un officier au galop vint faire un rapport à l'empereur. Anna se pencha en avant pour écouter. « Stiva, Stiva » cria-t-elle à son frère. Celui-ci n'entendit pas. Elle voulut encore quitter la tribune. « Je vous offre mon bras, si vous désirez partir, » répéta Alexis Alexandrovitch en lui touchant la main. Anna s'éloigna de lui avec répulsion et répondit sans le regarder. « Non, non, non, non, laissez-moi, je resterai. » Elle venait d'apercevoir un officier qui, du lieu de l'accident, accourait à toute bride en coupant le champ de course. Betsy lui fit signe de son mouchoir. L'officier venait dire que le cavalier n'était pas blessé, mais que le cheval avait les reins brisés. À cette nouvelle, Alana se rassit et cacha son visage derrière son éventail. Alexis Alexandrovitch remarqua non seulement qu'elle pleurait, mais qu'elle ne pouvait réprimer les sanglots qui soulevaient sa poitrine. Il se plaça devant elle pour la dissimuler au regard du public et lui donner le temps de se remettre. « Et pour la troisième fois, je vous offre mon bras, » dit-il quelques instants après, en se tournant vers elle. Anna le regardait, ne sachant que répondre. Betsy lui vint en aide. « Non, Alexis Alexandrovitch, j'ai amené Anna, je la reconduirai. » « Excusez, princesse, » répondit en souriant poliment et en la regardant bien en face, « mais je vois qu'Anna est souffrante et je désire la ramener moi-même. » Anna, effrayée, se leva avec soumission et prit le bras de son mari. « J'enverrai prendre de ces nouvelles et vous en ferai donner, » murmura Betsy à voix basse. Alexis Alexandrovitch, en sortant du pavillon, causa de la façon la plus naturelle avec tous ceux qu'il rencontra, et Anna fut obligée d'écouter, de répondre. Elle ne s'appartenait pas et croyait marcher en rêve à côté de son mari. Est-il blessé? Tout cela est-il vrai? Viendra-t-il? Le verrai-je aujourd'hui? Pensait-elle. Silencieusement, elle monta en voiture et bientôt ils sortirent de la foule. Malgré tout ce qu'il avait vu, Alexis Alexandrovitch ne se permettait pas de juger sa femme. Pour lui, les signes extérieurs tiraient seuls à conséquence. Elle ne s'était pas convenablement comportée et il se croyait obligé de lui en faire l'observation. Mais comment adresser cette observation sans aller trop loin? Il ouvrit la bouche pour parler, mais involontairement, il dit tout autre chose que ce qu'il voulait dire. Combien nous sommes tous portés à admirer ces spectacles cruels. Je remarque. Quoi, je ne comprends pas, dit Anna d'un air de souverain mépris. Ce ton blessa Karénine. Je dois vous dire, commença-t-il. Ah, voilà l'explication, pensa Anna, et elle eut peur. Je dois vous dire que votre tenue a été fort inconvenante aujourd'hui, dit-il en français. « Et en quoi ? » demanda-t-elle en se tournant vivement vers lui et en le regardant bien en face, non plus avec la fausse gaieté sous laquelle se dissimulaient ses sentiments, mais avec une assurance qui cachait mal la frayeur qui l'étreignait. « Faites attention, » dit-il, en montrant la glace de la voiture baissée derrière le cocher. Il se pencha pour la relever. « Mais qu'avez-vous trouvé d'inconvenant ? » répéta-t-elle. « Le désespoir que vous avez peu dissimulé lorsque l'un des cavaliers est tombé. » Il attendait une réponse, mais elle se taisait et regardait devant elle. « Je vous ai déjà prié de vous comporter dans le monde de telle sorte que les méchantes langues ne puissent vous attaquer. » Il fut un temps où je parlais de sentiments intimes, je n'en parle plus. Il n'est question maintenant que de faits extérieurs. Vous vous êtes tenu d'une façon inconvenante, et je désire que cela ne se renouvelle plus. Ces paroles n'arrivaient qu'à moitié aux oreilles d'Anna. Elle se sentait envahie par la crainte et ne pensait seulement qu'à Vronsky. Elle se demandait s'il était possible qu'il fût blessé. Était-ce bien de lui qu'on parlait en disant que le cavalier était sain et sauf, mais que le cheval avait les reins brisés? Quand Alexis Alexandrovitch se tut, elle le regarda avec un sourire d'ironie feinte, sans répondre. Elle n'avait rien entendu. La terreur qu'elle éprouvait se communiquait à lui. Il avait commencé avec fermeté, puis en sentant toute la portée de ses paroles, il eut peur. Et le sourire d'Anna le fit tomber dans une étrange erreur. Oh, elle sourit de mes soupçons. Elle va me dire comme autrefois qu'ils n'ont aucun fondement, qu'ils sont absurdes. C'était ce qu'il souhaitait ardemment. Il craignait tant de voir ses craintes confirmées qu'il était prêt à croire tout ce qu'elle aurait voulu. Mais l'expression de ce visage sombre et terrifié ne promettait même plus le mensonge. Peut-être me suis-je trompé. Dans ce cas, pardonnez-moi. Oh, non, non, vous ne vous êtes pas trompé, dit-elle lentement en jetant un regard désespéré sur la figure impassible de son mari. Vous ne vous êtes pas trompé. J'ai été au désespoir et ne pu m'empêcher de l'être encore. Je vous écoute, mais je ne pense qu'à lui. Je l'aime. Je suis sa maîtresse. Je ne puis vous souffrir, mais je vous crains, je vous hais. Faites de moi ce que vous voudrez. Et se rejetant au fond de la voiture, elle couvrit son visage de ses mains et éclata en sanglots. Alexis Alexandrovitch ne bougea pas, ne changea pas la direction de son regard, mais l'expression solennelle de sa physionomie prit une rigidité de mort qu'elle garda pendant tout le trajet. En approchant de la maison, il se tourna vers Anna et dit « Entendons-nous, j'exige que jusqu'au moment où j'aurai pris les mesures voulues, et ici sa voix trembla, pour sauvegarder mon honneur, mesures qui vous seront communiquées, j'exige que les apparences soient conservées. » Il sortit de la voiture et fit descendre Anna. Devant les domestiques, il lui serra la main, remonta en voiture et reprit la route de Pétersbourg. À peine était-il parti qu'un messager de Betsy apporta un billet. « J'ai envoyé prendre de ses nouvelles, il m'écrit qu'il va bien, mais qu'il est au désespoir. »« Alors il viendra, » pensa-t-elle. « Oh, j'ai bien fait de tout avouer. » Elle regarda sa montre. Il s'en fallait encore de 3 heures, mais le souvenir de leur dernière entrevue fit battre son cœur. « Mon Dieu, qu'il fait encore clair !»« C'est terrible, mais j'aime avoir son visage. » Et j'aime cette lumière fantastique. Mon mari, ah oui, eh bien, tant mieux. Tout est fini entre nous.